Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Donner de la voix, votre émission engagée et citoyenne sur Fadjet 94.2. 15 minutes d'entretien avec un membre d'une association de votre région pour vous donner envie de vous engager. Et aujourd'hui, Ayoud Art. Donner de la voix sur Fadjet, présenté par Augustin. Ayoud Art. Association humanitaire à destination des enfants en situation de pauvreté et de précarité du Pérou, une association destinée à créer du lien entre la France et les enfants de ce pays de la cordillère des Andes, avec Virginie Legrand, bénévole et responsable de la commission Projet Jeunes et de la sensibilisation en milieu scolaire. Bonjour Virginie Legrand. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter l'association Ayoud Art et son projet ? Oui, bien sûr. L'association est née en 2001. Son projet, en fait, c'est de soutenir un centre qui accueille les enfants des rues au Pérou. On est à Nancy, on a une centaine d'adhérents dans notre association, on est une quinzaine de bénévoles actifs et 6 à peu près au conseil d'administration. Et quelles sont vos missions ? À la fois en France et au Pérou. En France, on a 3 missions en fait. La première de nos missions, c'est d'aller dans les écoles, dans les MJC, partout où on est invité pour parler du Pérou, pour parler de la situation des enfants des rues, alors que ce soit de la découverte culturelle ou de l'engagement citoyen, de la citoyenneté, etc. Ça, c'est la première mission. La deuxième, c'est accueillir les volontaires ou les bénévoles qui souhaitent prendre part à notre aventure, à la vie de l'association. Donc on les accompagne s'ils ont des projets pour partir au Pérou. Donc ça fait partie de mes missions. Donc cerner leurs projets, voir avec eux ce qu'ils ont envie de faire là-bas, les mettre en lien avec Sima là-bas sur place et voilà, leur permettre de partir et surtout de bien revenir. Et la troisième mission, c'est de vendre de l'artisanat qu'on va acheter au Pérou et qu'on vend... souvent en hiver, parce qu'au Pérou, c'est plutôt de l'artisanat d'hiver, sur les marchés de Noël. Alors, le but de cette démarche-là, en fait, c'est de permettre à des artisans qui vivent dans la cordillère des Andes ou qui vivent à Lima, de pouvoir s'en sortir dignement de leur travail. Ben, ça fait beaucoup de travail, je suppose. Et toutes ces informations, ces vastes informations, où est-ce que les Nancéens peuvent les retrouver s'ils veulent vous rejoindre ? Alors, ils peuvent les retrouver sur notre site internet, donc ayoudart.org, ou sur notre page Facebook, Ayoudart Enfants des Rues, et on a aussi un blog. Vous êtes une association donc de bénévoles, c'est-à-dire que toute personne qui veut rejoindre Ayoudart peut le faire facilement, simplement. Oui, simplement. Nous passons un coup de téléphone, donc les informations sont sur le site internet. On a également une volontaire en service civique qui est là-bas au Pérou. Et voilà, son volontariat s'achève, donc c'est pas non plus impossible de devenir volontaire en service civique par le biais d'Ayoudart. Bien, le message est passé, je crois. Et en France, quelles sont vos relations avec les autorités ici à Nancy ? Est-ce que vous avez des partenariats ? Vous m'avez parlé du lycée Jeanne d'Arc, vous avez quelques actions là-bas ? Oui, tout à fait. Le lycée Jeanne d'Arc est un lycée agréé UNESCO. Donc en fait, les élèves proposent des actions tout au long de l'année pour soutenir Ayoudart. Donc ils vendent des croissants dans leur établissement, ils font des emballages cadeaux dans les moments de Noël. Et puis dans les partenariats qu'on a également, c'est la ville qui nous soutient dans les différentes actions qu'on peut mener, le conseil départemental, la région Lorraine, enfin Grand Est. Et puis vous avez aussi un échange avec plusieurs associations une qui s'occupe du Maroc et une autre du Cambodge, c'est ça ? C'est ça. Ramsa, qui est une association au Maroc, et Comarigré au Cambodge, qui sont toutes les deux des associations qui viennent en aide à des enfants des rues ou en situation de pauvreté dans leurs pays respectifs. Et donc ici, vous avez vraiment un réseau et des échanges avec différentes associations basées en France sur ces questions. C'est ça. Notamment dans le cadre du marché du monde solidaire qui se tient tous les ans au conseil départemental à la fin de l'année, on a l'occasion de rencontrer ces différentes associations et nos liens se sont renforcés à ce moment-là. Et au Pérou alors ? Est-ce que vous avez des partenariats ? Vous avez parlé du CIMA tout à l'heure pour les auditeurs. Qu'est-ce que c'est que le CIMA ? Alors CIMA, ça veut dire Centre d'intégration des mineurs abandonnés. C'est un centre qui accueille des enfants de 8 à 18 ans. Et qui leur offre en fait la possibilité tout simplement d'être des enfants. Parce que quand on a grandi ou on grandit en situation d'extrême pauvreté, souvent on est obligé d'aller travailler, on ne peut pas aller à l'école, on peut faire partie d'un gang parce que la vie nous a amené à être dans la rue et rencontrer, faire des rencontres qui nous amènent à ça. On peut être en situation d'addiction, alcoolique ou drogue, peu importe, mais ou même aux réseaux sociaux. Et toutes ces situations, comment est-ce que vous l'avez rencontrée? Comment est-ce que vous avez pris conscience de cette situation? Et pourquoi avoir décidé de vous engager dans cette direction? En fait, moi, dans mon parcours personnel, je suis éducatrice. Et mon souhait, quand j'ai passé mon diplôme d'éducatrice, c'était au départ de travailler sur des camps de réfugiés. Je voulais m'engager dans ce sens-là. Finalement, les études font que ce n'est pas si facile de devenir éducatrice sur les camps de réfugiés. Ce n'est pas forcément le métier qu'on recherche non plus. Hein. C'est plutôt soignant, psychologue, etc. Mmh. Donc, je suis déjà rentrée dans le monde du travail par le biais de la pouponnière où j'accompagnais des enfants de 0 à 3 ans. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, voilà, j'avais un projet au départ et je voudrais quand même le réaliser. Donc, j'ai cherché ce qui se faisait autour de chez moi. Et il se trouve qu'il y avait l'association Ayudar à Nancy. Donc, j'ai poussé la porte, on m'a accueilli à bras ouverts et on m'a permis, en fait, de partir là-bas au Pérou et de rencontrer ces enfants-là. Et c'est à leur rencontre que vous avez voulu poursuivre l'aventure avec Ayudar. Oui. Bah, une fois qu'on y est allé, on n'en revient pas tout à fait de la même façon. Moi, j'y suis restée 6 mois. Donc j'ai vraiment eu le temps de les rencontrer, de les connaître, de les comprendre, de voir aussi d'où ils viennent, de comprendre tout le process en fait de ce qui leur permet de revivre en fait et de redevenir, d'avoir des droits. CIMA, c'est vraiment un centre qui permet aux enfants d'être des enfants et d'avoir des droits. On leur offre l'éducation, on leur offre la santé, on leur offre à manger, un toit où dormir, tout ce qu'ils n'avaient pas en fait avant dans la rue. Et donc Moi, en ayant vécu ça pendant 6 mois avec eux, en ayant vécu la reconstruction qu'ils proposent à ces enfants-là, je ne pouvais pas, une fois rentrée en France, dire bah, « c'est bien, au revoir voilà. ». Mm-hmm. Donc voilà, mon engagement, il vient de là. Et encore aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de transmettre quand je me déplace dans les établissements scolaires. Mmh. Eh bien, c'est une passion qui, je crois, se ressent au micro. Et de ce fait, vous avez donc poursuivi, vous y êtes depuis 7 ans à Ayudar maintenant, c'est ça? C'est ça. Vous avez continué dans la commission des projets. C'est vous qui les mettez en œuvre? Alors en fait, cette commission, elle est née parce que, enfin, elle n'existait pas avant mon retour. Et comme mon projet, quand j'étais au Pérou, c'était de pouvoir témoigner et donner la parole à ces enfants des rues, finalement, la commission, elle s'est créée d'elle-même. Je me suis déplacée dans les établissements scolaires pendant presque une année, une fois, deux fois par semaine. Et puis aujourd'hui, cette commission perdure. Il y a d'autres bénévoles qui sont arrivés dans la commission et qui m'accompagnent ou qui font eux-mêmes leurs interventions, soit à la fac de lettres, soit en milieu scolaire. Et quels sont les projets qui vous ont le plus marqué? Quels sont ceux déjà que vous avez pu mettre en place et quels sont ceux qui vous ont vraiment le plus marqué et qui vous ont fait comprendre que vous étiez dans la bonne direction? Bah déjà, c'est d'être allé sur place. Passer 6 mois là-bas, voilà, ça marque une vie. J'avais 26 ans, enfin, ou 25, c'était une grande rencontre, très forte. Aujourd'hui, d'aller dans les établissements scolaires, justement, d'être face à des ados qui ont le même âge que les enfants que j'ai côtoyés au Pérou, à CIMA, c'est un lien fort, en fait. Mmh. C'est pouvoir leur... C'est de mener des projets avec eux aussi. Lesquels, par exemple? Alors, on a un établissement scolaire, par exemple, qui a fait tout un journal sur leur établissement. Comment on vit, comment c'est une journée dans un lycée, comment moi je vis à la maison, comment est ma maison, mon jardin, etc. Ce que je mange le matin, ce que je mange à midi. Un vrai journal d'une journée d'un élève de lycée. Et quand j'y suis retournée, parce que j'y suis allée plusieurs fois, quand j'y suis retournée, j'ai apporté ce livre-là aux enfants de CIMA qui l'ont découvert, qui ont posé beaucoup de questions parce que les rythmes de vie sont différents, les maisons sont différentes, les saisons sont différentes. Enfin, il y avait plein de sujets de discussion, donc c'était riche. Et les enfants de CIMA ont fait la même chose de leur côté. Mmh. Ils ont fait un journal d'un enfant de CIMA et on l'a ramené en France. Oui, c'est-à-dire que c'est les Français, les enfants des élèves français ont écrit ce premier journal qui a été montré, envoyé aux enfants de CIMA pour qu'ils puissent montrer eux leur quotidien. C'est ça? Voilà, c'est ça. Donc on a été dans un vrai échange interculturel. Oui, ça doit ouvrir les yeux, je pense, pour des enfants des deux côtés de l'Atlantique. Des deux côtés. Tout à fait, tout à fait intéressant. Vous, quand vous travaillez avec Ayudar, est-ce que vous sentez une certaine émulation? Est-ce qu'il y a des projets nouveaux qui se créent autour de vous maintenant, à partir de cette commission? Il y a tous les ans des projets nouveaux et on ne sait pas comment, mais ça arrive. Déjà parce que tous les ans, il y a des volontaires qui nous contactent pour partir, donc on les accompagne à travers cette commission, mais aussi parce qu'il y a des établissements scolaires qui nous contactent. Dernièrement, c'était le lycée Stanislas de Villers-lès-Nancy, avec qui on a mené un travail d'une année, la classe Ulysse, donc c'est une unité d'inclusion scolaire, c'est des enfants en situation de handicap diverses, et qui ont mené des actions pour soutenir Ayudar, pour trouver des fonds. Donc, ils ont fait de la vente de gâteaux, ils ont été dans les autres classes du lycée parler de CIMA, mobiliser des élèves. Donc, ça, c'était fort parce que c'est plutôt des élèves qui sont en retrait dans l'établissement scolaire, qui ne sont pas toujours inclus ou bien vus. Et là, par le biais d'Ayudar, enfin, en tout cas, par le biais de ce qu'a voulu faire l'enseignante et ce qui s'est mis en place, elle a réussi à faire des binômes avec un élève scolarisé en classe de seconde classique et un élève scolarisé en classe Ulysse. Et ensemble, ils ont fait des bijoux, ils ont fait des cartes postales, ils ont fait pas mal de choses en fait. Et donc ça a été très riche parce que en fait, les élèves qui étaient scolarisés en classe de seconde ont fortement apprécié et ont changé leur regard sur le handicap. Eh oui, un engagement peut en cacher un autre. Tout à fait. Et j'ai pu voir sur votre site une partie commerce éthique. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que c'est ? Quel projet ça constitue ? Alors, quand on va au Pérou, donc tous les ans, il y a une bénévole qui part et on essaye de ramener de l'artisanat qui est fait dans des conditions éthiques. Alors, on ne parle pas de commerce équitable parce qu'on n'a pas le label équitable parce qu'on n'a pas les moyens de se le payer. Et puis nos artisans là-bas au Pérou n'ont pas toutes les conditions requises, c'est-à-dire qu'ils travaillent chez eux dans leur maison. Donc c'est pas ce qu'on entend derrière équitable. Mais en tout cas, c'est du commerce éthique parce que nous, on va vérifier. Alors après, ça repose sur la confiance que vous pouvez avoir en nous. Bien mais sûr. Nous, on va vérifier les conditions dans lesquelles ils travaillent. Donc il n'y a pas d'enfants qui travaillent. Les produits utilisés ne sont pas dangereux pour la santé et les personnes qui nous vendent leur artisanat, il est acheté au prix que l'artisan fixe, c'est-à-dire qu'on ne va pas négocier un prix au rabais, etc. Le but pour nous, c'est que cet artisan-là puisse scolariser ses enfants, puisse vivre dignement de son travail, puisse avoir un accès à la santé qu'il n'avait peut-être pas auparavant. Et ça contribue pour nous à exclure aussi les gens de la pauvreté, voilà, à les sortir de là. C'est-à-dire du coup que votre association, à partir d'un projet avec des enfants, avec la scolarité, a réussi à se construire, à essaimer si je puis dire, et à avoir différents secteurs, et parmi eux, la volonté de sortir des familles entières de la pauvreté. C'est ça. Ça a même commencé par là finalement. Puisque quand la présidente est allée au Pérou pour la première fois, l'association n'était encore pas créée, mais Élise Gonnet, quand elle est allée au Pérou avec ses amis, ils se sont dit « Waouh, il faut qu'on fasse quelque chose pour soutenir ce centre, il faut qu'on trouve un moyen. » Et l'artisanat était un moyen. Un parmi d'autres, du voilà. coup. Et nous arrivons malheureusement déjà au terme de cette émission, Virginie Legrand. Et en guise de conclusion, je souhaitais vous demander qu'est-ce que l'engagement citoyen pour vous, au travers de tout ce que vous nous avez raconté, de tout ce que vous avez pu vivre, qu'est-ce que c'est pour vous l'engagement ? Alors l'engagement, je pense que c'est quelque chose qui nous anime, c'est quelque chose qu'on rencontre et qu'on a envie de donner au profit d'une société, au profit de l'autre. L'engagement, il est celui qu'on a envie de construire pour l'autre. C'est-à-dire que c'est une envie d'abord personnelle qui va à la rencontre d'autrui. Oui, et je pense qu'on dit souvent que on est altruiste, qu'on donne sans compter, etc. Mais je crois que quand on fait quelque chose, sans s'en rendre compte, on le fait d'abord pour soi. Et quand voilà, on est animé par une cause, quand on a envie de défendre quelque chose, on le fait parce qu'on aime ça. Eh bien, merci Virginie Legrand. Ce sera le mot de conclusion. Se donner pour avancer. Merci beaucoup pour ce message. C'était donc, chers auditeurs, chères auditrices, la deuxième émission de Donner de la voix avec Ayoud Art et Virginie Legrand aujourd'hui. Nous avons été très heureux de partager cet échange. Et c'était Yves à la technique aujourd'hui que je remercie chaleureusement. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine engagée. À bientôt.